Jérémie chapitre 44. La parole qui fut adressée à Jérémie, touchant tous les Juifs qui demeuraient au pays d'Égypte, et qui habitaient à Migdol, à Taphné, à Nof, et au pays de Patro, en disant. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, vous avez vu tout le mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, et sur toutes les villes de Juda, et voici, elles sont aujourd'hui un désert, et personne n'y demeure. À cause des maux qu'ils ont faits pour mériter, en allant faire des encensements pour servir d'autres dieux, lesquels ils n'ont point connus, ni eux, ni vous, ni vos pères. Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, me levant dès le matin, et les envoyant pour vous dire, ne commettez point maintenant cette chose abominable, laquelle je hais. Mais ils n'ont point écouté, et n'ont point incliné leur oreille pour se détourner de leur malice, afin de ne faire point d'encensement à d'autres dieux. C'est pourquoi ma fureur et ma colère s'est répandue sur eux, et s'est allumée dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, qui sont réduites en désert et en désolation, comme il paraît aujourd'hui. Maintenant donc, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, pourquoi faites-vous ce grand mal contre vous-même, pour vous faire retrancher du milieu de Juda, hommes et femmes, petits-enfants et ceux qui têtent, afin qu'on ne vous laisse aucun de reste? En méritant par les œuvres de vos mains, en faisant des encensements à d'autres dieux dans le pays d'Égypte, auquel vous venez d'entrer pour y séjourner, afin que vous soyez retranchés, et que vous soyez en malédiction et en opprobre parmi toutes les nations de la terre, avez-vous oublié les crimes de vos pères, et les crimes des rois de Juda, et les crimes de leurs femmes, et vos propres crimes, et les crimes de vos femmes, qu'elles ont commis dans le pays de Juda, et dans les rues de Jérusalem? Jusqu'à ce jour ils n'ont point été affligés, ils n'ont point eu de crainte, et ils n'ont point marché en ma loi, ni en mes ordonnances, que je vous ai proposées, et à vos pères aussi. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais tourner ma face contre vous, pour vous nuire, et pour retrancher tout Juda. Et je prendrai le reste de ceux de Juda, qui se sont préparés pour entrer au pays d'Égypte, et y séjourner. Et ils seront tous consumés, ils tomberont dans le pays d'Égypte, ils seront consumés par l'épée et par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils mourront par l'épée et par la famine, et ils seront en exécration, en étonnement, en malédiction et en opprobre. Et je punirai ceux qui demeurent au pays d'Égypte, comme j'ai puni Jérusalem, par l'épée, par la famine et par la mortalité. Et il n'y aura personne des restes de Juda d'entre ceux qui sont venus pour demeurer là, c'est-à-dire, au pays d'Égypte, pour retourner au pays de Juda, auquel ils se promettent de retourner pour y demeurer, qui échappe, et qui reste, car pas un ne retournera, sinon ceux qui se seront échappés des autres. Mais tous ceux qui savaient que leurs femmes, faisaient des encensements à d'autres dieux, et toutes les femmes qui étaient là en grande compagnie, et tout le peuple qui demeurait dans le pays d'Égypte, à Patro, répondirent à Jérémie, en disant. Quant à la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, nous ne t'écouterons point, mais nous ferons assurément tout, ce qui est sorti de notre bouche, en faisant des encensements à la reine des cieux, et lui faisant des aspersions, comme nous et nos pères, nos rois, et les principaux d'entre nous, avons fait dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem. Et nous avons eu alors abondamment de pain, nous avons été à notre aise, et nous n'avons point vu de mal. Mais depuis le temps que nous avons cessé de faire des encensements à la reine des cieux, et de lui faire des aspersions, nous avons eu faute de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Quand nous faisions des encensements à la reine des cieux, et quand nous lui faisions des aspersions, lui avons-nous offert à l'insu de nos maris des gâteaux sur lesquels elle était représentée? Où lui avons-nous répandu des aspersions? Alors Jérémie parla à tout le peuple, contre les hommes, et contre les femmes, et contre tout le peuple qui avait fait cette réponse, et leur dit. L'Éternel ne s'est-il pas souvenu des encensements, que vous avez faits dans les villes de Juda, et dans les rues de Jérusalem, vous et vos pères, vos rois, et les principaux d'entre vous, et le peuple du pays, et son cœur n'en a-t-il pas été touché? En sorte que l'Éternel ne l'a pu supporter davantage, à cause de la malice de vos actions, et à cause des abominations que vous avez commises, tellement que votre pays a été réduit en désert, et en étonnement et en malédiction, sans que personne y habite, comme il paraît aujourd'hui. Parce donc que vous avez fait ces encensements, et que vous avez péché contre l'Éternel, et que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, et n'avez point marché en sa loi, ni en ses ordonnances, ni en ses témoignages, à cause de cela ce mal vous est arrivé, comme il paraît aujourd'hui. Puis Jérémie dit à tout le peuple, et à toutes les femmes, vous, tous ceux de Juda qui êtes au pays d'Égypte, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, en disant, c'est vous, et vos femmes qui ont parlé par votre bouche, touchant ce que vous avez accompli de vos mains, en disant, certainement nous accomplirons nos vœux que nous avons voués, en faisant des encensements à la reine des cieux, et lui faisant des aspersions. Vous avez entièrement accompli vos vœux, et vous les avez effectués très exactement. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, vous, tous ceux de Juda qui demeurez au pays d'Égypte, voici, j'ai juré par mon grand nom, a dit l'Éternel, que mon nom ne sera plus réclamé par la bouche d'aucun de Juda, qui disent en tout le pays d'Égypte, le Seigneur, l'Éternel, est vivant. Voici, je veille contre eux pour leur mal, et non pour leur bien. Et tous les hommes de Juda qui sont au pays d'Égypte, seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. Et ceux qui seront échappés de l'épée, retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda en fort petit nombre, et tout le reste de ceux de Juda, qui seront entrés au pays d'Égypte pour y séjourner, saura quelle est la parole qui s'accomplira, la mienne, ou la leur. Et ceci vous sera pour signe, dit l'Éternel, que je vous punirai en ce lieu-ci, afin que vous sachiez que mes paroles, seront infailliblement accomplies contre vous en mal. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais livrer Pharaon Ophra, roi d'Égypte, en la main de ses ennemis, et en la main de ceux qui cherchent sa vie, comme j'ai livré Sédécia, roi de Juda, en la main de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, son ennemi, et qui cherchait sa vie.